Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec. Alors, Nicole Moreau est avec nous. Alors, bonsoir, Nicole. Bonsoir. Alors, le sujet, quel sujet vous voulez aborder aujourd'hui avec nous? J'ai parcouru le mémoire de maîtrise de José Godreau. Ça m'a vivement intéressé. Son titre, La stratégie dans les organisations d'économie sociale, le cas des systèmes d'échange de proximité québécois. Mm-hmm. Document fouillé et très sérieux. Alors, oui, hein? Oui. J'ai voulu vous présenter le concept qui est analysé, donc celui des échanges de proximité, comme porteur de pistes de solutions aux questionnements ayant cours sur le rapport à l'argent et à la consommation. Mm-hmm. Il en existe plusieurs sortes qui ont des distinctions les uns par rapport aux autres. Il est important de le souligner, mais je voulais plutôt brosser un portrait général sans m'attarder à ces différences-là. Oui, excellent. Alors, mais je vous arrête. Donc, avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, pouvez-vous préciser ce que ça veut dire ou juste « échange de proximité » Je pense que pour rendre justice à l'auteur, je vais reprendre textuellement sa définition. Toutes les organisations, formelles ou non, ayant pour objectif de faciliter l'échange de biens, de services et ou de savoirs et de favoriser le développement de relations de proximité et de solidarité entre les individus d'une communauté, que ce soit géographique, culturel, fonctionnel ou d'intérêt, par l'utilisation d'un système d'unité de compte ou de paiement autre que la monnaie nationale. Donc, les mots de Madame Godreau. Oui, c'est assez intéressant, c'est assez complet. Alors, ça fait mention d'unité de compte ou de paiement dans la définition. Est-ce que ça veut dire qu'une autre forme de monnaie, que la monnaie nationale, alors notre beau dollar, est utilisée pour les échanges de proximité? Oui. On parle ici de monnaie sociale. Celle-ci est utilisée localement seulement, étant donné la proximité de la primauté, pardon, de la proximité dans l'organisation des échanges. Donc, monnaie sociale. Alors, si je comprends bien, comme il y a utilisation d'une forme de monnaie, en tout cas, il s'agit d'un système plus complexe que le troc. Oui, c'est le cas. L'auteur évoque le troc multiréciproque pour qualifier les échanges de proximité. Troc multiréciproque. Ça veut dire que plusieurs personnes sont mises à profit ou enfin participent. On préserve comme ça l'idée que lors de l'échange, le consommateur du bien ou du service ou encore du savoir contracte une dette envers la communauté et non seulement envers le producteur. On pourrait par conséquent dire que le système d'échange de proximité est un système d'endettement multilatéral. L'utilisation d'une unité de compte sert d'assurance pour les individus qu'ils auront un retour, même s'il n'est pas immédiat, à leur offre de biens et services. D'accord. Alors, ben, à ce moment, comment peut-on distinguer le système d'échange de proximité de la consommation habituelle? Est-ce que c'est parce qu'il y a une utilisation d'une forme de monnaie? Oui. On peut dire que la monnaie dans laquelle, avec laquelle on est tous familiers comporte trois fonctions. Unité de compte et étalon de valeur. Donc, quand on achète un bien, ça vaut tant. Moyen de paiement ou d'intermédiaire d'échange et réserve de valeur. C'est la dernière fonction que les systèmes d'échange de proximité remettent en cause, de même que la production d'intérêt sur le capital. Quand même. L'échange de proximité est donc davantage que du troc, puisque basé sur l'utilisation d'une monnaie. Ces systèmes d'échange ont une mission sociale, favoriser le lien entre les individus d'une même communauté. On peut dire en gros que ces systèmes poursuivent donc l'objectif de création de liens sociaux. Alors, c'est très intéressant, en tout cas, ce concept. Est-ce qu'on retrouve de tels systèmes dans plusieurs pays? On en retrouve aussi bien au nord qu'au sud. En fait, ce que José Godreau dit, dans une quarantaine de pays, aussi bien en Occident qu'en Amérique latine ou au Japon. Au nord, ce serait une réponse communautaire à la globalisation de l'économie et à l'accroissement des inégalités. Au sud, ces systèmes-là émergeraient en réaction à la hausse du taux de chômage et du déclin de l'implication de l'État dans l'offre de services sociaux à la suite de pressions néolibérales poussées par les institutions financières internationales. Oui, c'est un concept très connu ici. à l'émission. Tout à fait. Le nombre de systèmes d'échange oscillerait, selon les sources, entre 3000 et 5000 à travers le monde. 3000 à 5000, oui. Mais certains auteurs pourraient dire que ça pourrait s'avérer sensiblement plus élevé. Est-ce que c'est possible de donner des exemples? Oui. Si on reprend, par exemple, en Amérique latine, en Argentine, à la suite de la crise économique qui a débuté en 98, il y a eu 5000 systèmes. En Argentine, ils appellent ça des systèmes de troc ou de trouéqué, mais excusez mon accent, qui ont été mis sur pied. L'objectif était la lutte contre la pauvreté. On y trouvait surtout des biens de consommation. Par la suite, se sont ajoutés des services professionnels. Donc, c'est pas seulement juste des biens, là, c'est vraiment les services aussi. Aussi. Donc, c'est un système d'échange comme ça. Aussi. Okay. Si on prend un autre exemple, aux États-Unis, le modèle Time Dollar, initialement développé afin de faciliter l'accès à des services et activités aux personnes âgées, vise surtout à stimuler l'entraide au sein d'une communauté par la mise en circulation d'une monnaie, mais de type « hour ». Donc, C'est des heures. Il y en avait en 2000, soit il y a à peu près 10 ans, environ 2000 banques de temps de ce type aux États-Unis. C'est quand même assez étonnant. Étonnant, mais ça aide à l'espoir. Au Japon, où l'apparition de monnaie sociale est plus récente que dans les pays occidentaux, le ministère du Commerce gère des expériences à grande échelle, utilisant une technologie de carte à puce. On y retrouve des expériences très diversifiées, visant principalement le resserrement des liens communautaires. Alors, qu'est-ce que... vraiment très, très, très intéressant. Et qu'est-ce que ça serait les principaux éléments de la philosophie à la base de ces systèmes d'échange? En fait, disons grosso modo trois éléments, la remise en question de l'organisation sociale et économique de la société, la volonté de transformer la nature des échanges économiques en accordant une importance particulière à la proximité afin d'échapper à l'anonymat des échanges réalisés sur le marché, donc vraiment des marchés locaux, réflexion sur le rapport à la consommation, à l'argent et au travail et le développement de réseaux de solidarité entre les membres des communautés. Mais on peut dire que la proportion de ces éléments peut varier selon les modèles d'organisation des systèmes d'échange de proximité. Donc, les systèmes visent à redéfinir, d'après Mme Godreau, les liens entre les individus et les systèmes de production et d'échange de biens, de services et de savoirs. Alors, merci Nicole. Alors, avant de continuer là-dessus, donc, de développer sur le concept des systèmes d'échange, on va écouter une pièce musicale. Alors, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après avec Nicole Moreau. À tout de suite. Pas longtemps. Vous êtes toujours au Grain de sable sur les ondes de CKRL. Alors, on discute avec Nicole Moreau de Système d'échange de proximité. Alors, si vous venez de syntoniser les ondes, alors voilà le sujet de l'heure. Alors, plutôt de la première demi-heure. Alors, Nicole, est-ce qu'il y a une condition de succès avec les tels systèmes d'échange de proximité? En fait, c'est la force de l'identité associative qui a été identifiée comme le principal facteur de succès. Mais ça, c'est pour tous les systèmes d'échange de proximité, quel que soit leur type, là. On avait dit au début qu'il y en avait de toutes sortes. L'engagement des membres est aussi important. La cohésion et la présence d'une utopie ou d'un projet de société rassembleur sont aussi importants pour assurer la pérennité du développement de ces organisations-là. On peut ajouter aussi que l'empowerment des individus et des communautés paraissent représenter des conditions au changement de valeur et de la structure de l'économie et de la société. Ah oui, ça doit. C'est beau, hein? Tout à fait. Puis, qu'en est-il au Québec, alors, avec ces systèmes d'échange de proximité ou en tout cas un peu des systèmes de troc, là, comme on disait tout à l'heure? Ben, il en existe au Québec des systèmes d'échange de proximité, mais ils semblent pas ressentir l'appartenance à un tel mouvement. Les conditions pour rassembler les systèmes d'échange de proximité à l'échelle pan-québécoise semblent pas réunies pour le moment. Godreau a été capable d'en répertorier 67 qui ont existantes ou qui ont cessé leurs activités. Cependant, le sujet a été très peu documenté. Elle estime probable que ses recherches n'aient pas permis d'identifier toutes les organisations. Ça veut donc dire qu'il pourrait y en avoir plus. Ah oui. Plusieurs d'entre elles ont un statut juridique formel, donc d'organismes à but non lucratif. D'autres sont un statut informel. Ah oui, alors quand même, 67, c'est quand même intéressant comme nombre, hein? C'est assez étonnant. Oui, effectivement, ça peut rassembler des milliers de personnes. Et oui, puis ce serait quoi la mission de ces organisations québécoises? Ils sont fixés des mandats très diversifiés. Ça va de l'entraide entre les membres d'une communauté à la réinsertion sociale, en passant par la cohésion et la solidarité sociale, la lutte à la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie, le bris de l'isolement, l'empowerment, la valorisation des compétences, le renouement avec la générosité, la promotion d'habitudes de consommation responsables, la critique et le rejet de valeurs néolibérales. Mm-hmm. Donc, il y aurait des exemples? Oui. Au Québec, il y a un réseau d'accorderies. Il parle de réseau, mais je peux pas garantir qu'ils sont en réseau, là, en communication constante, mais il y en a dans plusieurs villes au Québec. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'échange de biens et services. Donc, c'est pas juste l'achat de biens, mais quand même, peut avoir des services professionnels. Donc, pour résumer sur le sujet, qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? Ben, on peut dire que les systèmes d'échange de proximité, ça peut être un lieu d'expression des citoyens sur une volonté de développer une consommation à marge du système dominant dont ils remettent en cause les valeurs et les fondements. Donc, c'est cette remise en cause du système dominant. Bon, je suppose que c'est sans doute des collaborations avec d'autres acteurs là, sociaux. Oui, si on veut induire des changements durables dans l'environnement global, une remise en cause des valeurs et des fondements du système dominant pour le rendre plus favorable à ce type d'expérimentation, la coopération paraît essentielle. Mais également, donc avec entre les systèmes d'échange de proximité, mais également avec les acteurs de la société civile. On pense à mouvements altermondialistes, mouvements de l'économie sociale, les instigateurs d'initiatives visant à stimuler les pratiques de consommation responsables. Enfin, il pourrait en avoir d'autres. Il y en a plein. Oui. J'aimerais préciser que Godreau dit qu'elle croit que l'institutionnalisation du mouvement de l'échange de proximité, si elle se fait en concertation avec les parties prenantes, et si l'autonomie des projets qui ont vu le jour sous l'impulsion des groupes de citoyens maintenus peut être favorable puisqu'elle permettrait à un plus grand nombre de personnes d'expérimenter cette forme d'échange. Mm-hmm. Et les rapports humains, où les rapports humains sont à l'avant-plan. Oui, c'est pas juste un rapport économique. Mm-hmm. Non. Donc, avez-vous un vœu pour l'avenir de ces systèmes? Ben, personnellement, je dirais avec l'auteur que l'institutionnalisation du mouvement peut être favorable si celle-ci se fait en concertation. avec les parties prenantes, et si l'autonomie des projets qui ont vu le jour sous l'impulsion des groupes est maintenue, cela permettrait à un plus grand nombre de personnes d'expérimenter cette forme d'échange, donc je me redis. Godreau estime que cette institutionnalisation pourrait se réaliser par la mise sur pied de projets dans le cadre de politique sociale de l'État ou via l'adaptation de cadres juridiques pour tenir compte de la spécificité de ces initiatives. Ça pose tout le problème de l'adaptation des lois, parce que effectivement, dans certains cas, il y a des organisations qui ont été poursuivies pour du travail au noir, par exemple. Alors, mais comme l'État, c'est vraiment très marginal, l'État a a décidé de tolérer. Cette poursuite s'est faite dans une autre juridiction, là. Ah oui, quand même. Oui, en France. Donc, l'institutionnalisation pourrait se réaliser par l'arrimage des systèmes d'échange avec un réseau ancré territorialement et socialement. Ben, en titre d'exemple, au tout début, quand les caisses populaires des jardins se sont créées, ils ont choisi à l'origine un cadre paroissial. Ah, bon, c'est vrai. Que ça pourrait être un cadre aussi micro-local que ça. Alors, donc, ça pourrait être quel autre cadre? En tout cas, est-ce qu'il y aurait d'autres cadres possibles? Effectivement. Quel pourrait être le cadre? Le cadre, c'est plutôt les petites municipalités ou, dans les plus grandes, les arrondissements, et non pas les grandes municipalités comme Québec ou Montréal, qui est encore beaucoup plus grand, parce que c'est il faut qu'il y ait des échanges de proximité, donc des liens entre les personnes. C'est très local. Oh, pardon. C'est ça. Très local. C'est, si on pense à quelque chose de régional, ben l'anonymat se recrée. Ça revient comme un peu le système dominant, là, si on veut, comme notre, la monnaie actuelle. Tout à fait. Alors, puis donc, on peut dire que la concertation au sein du mouvement et avec les acteurs apparaît essentielle au maintien de ces pratiques qui visent à redéfinir les liens entre les individus et le système de production d'échange de biens, de services, de savoirs en quête d'une société plus humaine, plus réciprocitaire et plus solidaire. Oui, alors quel beau message, Nicole, c'est beau. C'est beau ce que vous dites. En tout cas, je vois plein d'espoir. J'aimerais ça, avoir autant d'espoir. Et en conclusion, avez-vous dernière chose, en conclusion? Je vous dirai les derniers mots. Les derniers mots, je pense que effectivement, ces systèmes-là émergent en complémentarité avec l'État et le marché pour répondre aux insuffisances des deux et de même qu'aux besoins de solidarité. Donc, allons-y. Tout à l'heure. Appuyons-les. Appuyons-les, tout à fait. Alors, on va découvrir les réseaux Accorderie. Et donc. Si les auditeurs le connaissaient pas déjà. Et oui, alors, merci, Nicole, infiniment. Alors, on va devoir en rester là aujourd'hui. Alors, ça sera pour une prochaine chronique. Alors, on espère que ça l'a plu et donner des idées à nos auditeurs. Alors, quant à nous, on se retrouve tout de suite après ces quelques publicités. Et pour la suite de l'émission avec Renaud Blais. À tout de suite. Chaque vendredi, les soirées du Bleu au Noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du Bleu au Noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Le festival M pour Montréal prend la route sous la bannière des Mini-M. La caravane Les Mini-M sillonne la province et s'arrête au Cercle le 27 avril prochain. Au programme de cette soirée, Millimétrique, Karim Ouellet, Final Flash et Dance Laurie Dance. Une vitrine idéale pour ces artistes dont on n'a pas fini d'entendre parler ici comme ailleurs. M pour Montréal, M pour majestueux, M pour musique. Au Cercle, 228 Saint-Joseph-Est, 418-948-8648, entrée 5$. Vous avez envie de vous joindre à l'équipe d'animateurs de CKRL? Nous sommes présentement à la recherche de gens motivés pour la programmation d'été 2011.

de la paz. Alors, de retour au grain de sable, ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors, Renaud Blais est avec nous pour sa chronique mensuelle. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, tout le monde. Alors, tu voulais revenir sur la journée de samedi dernier. Alors, tu étais donc au, à la, la c'est ça, commémoration des 10 ans du sommet des Amériques. C'est bien oui, ça? Oui. Alors, tout le monde s'entendait sur le fait qu'il fallait commémorer les luttes contre le sommet des Amériques, ça faisait 10 ans, ça fait aujourd'hui, demain 10 ans à peu près. Là. Mm-hmm. Bref, on a, oui, organisé, c'était organisé par un petit comité logistique, c'est pas, bon, c'était humblement organisé, je pense qu'il faut dire, là, pour avec les ressources disponibles et tout ça, là. Ça fait que, en gros, il y a, je disais, bon, un organisateur dit, c'est un franc succès considérant les moyens plus que limités dont on disposait. Un participant, j'ai vécu à la fois comme un devoir, un honneur et un plaisir, ce 10e anniversaire commémoratif de nos élans pour bâtir l'autre monde. Bon. Maintenant, la journée s'est divisée en 4 parties, si on peut dire. Là. Mm-hmm. Il y avait d'abord un rendez-vous au Parc de l'Amérique française, où un peu moins d'une centaine de personnes étaient très heureuses de se retrouver, malgré une température très difficile. Je pense que c'était un facteur atténuant majeur. Mm. Sous grande surveillance policière et une très importante couverture médiatique. Je pense que on a eu une bonne couverture médiatique. Je pense qu'on peut pas discuter de ça. Bon, la partie au Parc de l'Amérique française incluait aussi un micro ouvert. Très intéressants propos ont été tenus là. Moi, j'ai entendu des choses que très intéressantes de la part de gens, des analyses des qui avaient été faites depuis... très intéressant. Ça, c'était la première partie, là, donc c'est ça. Ouais, puis bon, ça se terminait par une théâtralisation de la tombée du mur. Mm-hmm. On avait tout inscrit des revendications qui n'étaient pas respectées si on signe des traités de libre-échange. Puis les gens très solidairement enfoncé le mur, là. C'était plutôt symbolique. C'était des caisses de carton qu'on avait fait à un mur. Puis il fallait les tenir au vent pour pas qu'ils tombent d'avance. Ben... Bref. Mais ça a été un élan, là, très, très, très intéressant. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai manqué ça, malheureusement. J'aurais bien aimé. Ouais, ben, c'était frisqué. Il fallait être bien habillé. À l'époque, à l'école, ensuite on passait à l'école Perrault, où on a marché de façon dispersée parce que bon, on était très peu de monde, puis plein de monde devait transporter des choses avec leurs autos, ça qu'on a couru dans les stationnements, il n'y a pas eu de marche comme telle, là, je veux dire, on s'est déplacé chacun à notre façon, etc. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je dis l'autre étape, c'était l'école où on a présenté différentes des ateliers. Les réactions des participants aux ateliers sont unanimes pour dire qu'elles ont été intéressantes. Ces ateliers nous ont permis de mettre l'emphase sur les raisons que nous avons eues de nous opposer et que nous continuons de nous opposer aux accords de libre-échange. Comme celui qui se déroule en ce moment, là, on nous négocie ça presque dans le dos. Combien de fois on entend Pierre-Marc Johnson venir nous faire un compte-rendu des négociations? Ça fait combien de temps que personne n'a vu? Bref. C'est toujours je parle de l'entente Canada-Union européenne. Mm-hmm. Un heureux participant dit « On y parle de ce que nous parlons jamais », en parlant du contenu des ateliers, parce que c'est bon. Ce fut également un moment de revenir sur les enjeux humains réels qui sont en cause lors de l'application des traités, lors des manifestations de résistance à ceux-ci. Contrairement au contenu des grands médias, pour qui le troisième sommet des Amériques ne fut que des affrontements entre des manifestants enragés et des policiers suréquipés et surarmés. Mmh. Bref, on a parlé de contenu pour une fois encore. Faut le faire nous-mêmes pour en parler. Oui, c'est sûr. Ça fut très intéressant d'entendre le consul, par exemple, du Venezuela, qui a affirmé que la déclaration du deuxième sommet des peuples, qui s'est déroulé à Québec en même temps que le troisième sommet des Amériques, a inspiré le projet d'ALBA. C'est l'alternative bolivarienne que Chavez a formalisée, puis que... Plusieurs pays maintenant d'Amérique du Sud qui ont signé cette entente. Comme un réseau économique, c'est ça? Oui, c'est une alternative un peu à la zone de libre-échange, mais pour l'Amérique du Sud, puis avec des considérations sociales un petit peu plus ouvertes à la population et non pas juste aux libéralisateurs des échanges, là, des intéressés au libre-échange. Ensuite, la partie suivante, c'était le souper, qui était très apprécié des participants. C'était un très heureux moment de partage avec les gens avec qui on a... Certains sont venus de l'extérieur, qui étaient à Québec. Mais bon, on est connus au Québec, on déménage. Il y a plein de monde qui venait de loin pour bon, participer à cette activité-là pour nous permettre de se revoir d'un point de vue humain un peu le monde. Un très intéressant moment fut celui des Amères Noël. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chorale féminine, mm-hmm. très anticapitaliste, qui refont des textes de chansons sur des airs connus. Alors, Amères Noël. Ouais, les Amères Noël, c'était né, si je me souviens bien, à Noël précédent, là, le Saint-Noël des Amériques, où on se mobilisait, puis ça avait été une façon de préparer nos mobilisations, puis ça a été très, très bien reçu, les gens ont toujours été appréciés. Moi, je sais bien qu'on a eu la manif de l'Union paysanne l'année d'après, puis on était très heureux de les accueillir, on a fait appel à eux pour c'est des chansons prise de parole, engagées, dans le fond. Ah c'est oui, ça? Très, très, très mm-hmm. engagées, oui. Bon, ensuite, il y avait le spectacle, mais là, je suis pas allé, moi, pour des raisons familiales, je pouvais pas pu participer. Le point de vue non contesté se résume comme ceci. Il y avait là des gens de divers groupes et options progressistes qui partageaient un moment passionné en commun. Personne autre. J'ai ressenti là des passions que nous partageons plutôt que des divisions. Mm-hmm. J'y ai revu plein de gens qui ont lutté ensemble en 2001 et c'était stimulant. Donc ça a été des retrouvailles. Oui, oui, d'une certaine façon, parce qu'on était, bon, très peu de monde. Ben, beaucoup de monde, mais seulement des gens qui ont vraiment collaboré. On espérait à un moment donné avoir des gens qui viendraient voir ce qui s'est passé en 2001, qui n'étaient mm-hmm. pas là, mais il y avait très peu de monde là, qui sont venus, qu'on n'avait pas rencontré déjà en 2001. Là. Bon, j'ajoute en terminant qu'un entrepôt virtuel a été créé sur le site du média alternatif réseauforum.org, où vous pourrez de plus en plus retrouver des archives de tout genre, incluant des vidéos des luttes de 2001 et de ces 10 ans de la fin de semaine où on a eu... Il y avait une commande spéciale auprès d'une personne qui fait du vidéo, là. Fait qu'il va avoir une présentation vidéo qui risque d'être entreposée, là. Ça va être très intéressant. Quand le montage sera fait. Oui, éventuellement. Donc, c'est ça. Donc, on regardera pour le réseauforum.org. Ouais. Et bon, ça termine, moi, ma présentation de cette fin de semaine-là. C'est un bilan un peu consensuel que j'ai fait là. Je reviens mm-hmm. tantôt pour mon bilan un peu plus personnel. Parfait. Alors, merci Renaud. Alors, c'est déjà le moment de notre dernière pause musicale. Alors, restez bien avec nous. On continue tout de suite après avec Renaud Blais. Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les envois. Histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos patrons. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses des multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses des multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix, dès que vous tombez dans la peur. Je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit. Au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, chauffe leur politique. Leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs. Pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit, le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout monte les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture. ma dictature. Tous tes profits, toutes tes marchandises, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire. Pour vous faire croire en ce qu'il faut, si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs et multinationales, économique. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis le masque pour la masse qui fait confiance dès le départ. Le tout poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel ordre mondial, partout sur la planète. Sur l'échiquier, je vais toujours 10 coups d'avance. Moi, j'ai rendu le mètre carré pour qu'il oublie sa dernière chance. Alors, vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL jusqu'à 18h30. Alors, ça sera suivi de l'émission 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. Alors, je suis toujours en compagnie de Renaud Blais, donc qui nous entretient de sa chronique altermondialiste. Alors, il nous a fait un petit peu là, un résumé de ce qui s'était passé aux 10 ans au sommet des Amériques, un petit peu de samedi dernier. Alors maintenant, c'est ça, je crois que tu voulais nous partager. Un bilan personnel. C'est là, ça, partager ton bilan. Moi, j'avais des attentes très élevées. Fait qu'inévitablement, j'ai appris avec l'expérience, quand on passe 50 ans, on dit les agréments sont toujours en fonction des attentes qu'on avait, dans le fond. Fait que c'est pour ça que, j'ai déjà dit à ce micro, que pour moi, après avoir fait une recherche dans le cadre d'un séminaire à l'université, je m'étais buté sur l'absence de documents qui faisaient état des activités de mobilisation contre le troisième sommet des Amériques, qui ont été faites à partir de Québec. Mm-hmm. Parce que durant l'année qui a précédé les manifestations, on a travaillé énormément, puis c'est pas documenté dans la recherche officielle, c'est pas... Il y a plein de monde qui a travaillé sur le sommet des Amériques d'un point de vue, entre guillemets, on parle à l'université dans le cadre d'une recherche académique, là. Quand on fait une recherche académique, mm-hmm. on reste dans ce milieu-là, parce que... Mais il y a pas de documents qui sont faits vraiment après ce que vous dites? Par exemple, il y a eu une maîtrise de fait sur la répression policière. Mm-hmm. Bon, ben oui, c'est pas ça qui m'intéresse, là. C'est ce qui s'est passé, les mobilisations, le contenu de cette mobilisation-là. Puis bon. Ça manque. Là. Non, ouais, c'est ça. Les publications qui existent, là, après une revue de littérature, je peux dire qu'ils sont exclusivement état des préparatifs des grandes organisations québécoises qui se réunissaient à Montréal et des préparatifs transamériques comme l'Alliance continentale, là. Ben, oui, c'est bien. Je suis pas en train de dénigrer ce qui s'est fait là, mais il y a un gros manque. Ça existe, qui pour moi, quand j'ai fait ma recherche, je trouvais ça désolant dans la mesure où ça avait pas été mis en valeur. Mais je pensais que ces 10 ans commémorant nos mobilisations, mm-hmm. on focuserait là-dessus. On mettrait l'emphase sur cet aspect-là. Mais bon, tant pis, peut-être que mes attentes étaient trop élevées. C'est pour ça que je relativise ce côté-là. Mais quand je parle des gens qui ont réfléchi à ce qui était important de commémorer, à la très large majorité qui ont parlé de l'opportunité que nous avions de passer notre message dans les innombrables formations, conférences très courues que nous avons offertes dans un rayon de plus de 100 km à partir de Québec, là-dessus, je suis resté sur mon appétit, pour résumer. Bon. Pour moi, une des principales retombées des résistances du troisième sommet des Amériques, c'est la création de Québec solidaire. Ça, c'est ma petite théorie personnelle, puis bon, elle n'est pas officialisée comme théorie parce que j'ai pas encore fait le doctorat qui serait nécessaire pour y arriver, mais bref. Ce fut le moment où les membres importants des différents micro-partis politiques, on était tous assis autour de la table d'Occupé 2001. Il y avait le PDS, le Parti communiste, moi je représentais le RAP, le Rassemblement pour l'Alternative politique. Puis en 2001, c'est ça, Québec solidaire n'existait pas. Ah non, pas du tout. Okay. Québec solidaire, ça a 5 ans. Mais après le sommet, rapidement, comme on avait travaillé ensemble des individus des différents partis, mais pas sur des questions de contenu de programme. On a travaillé ensemble sur il faut trouver des locaux pour héberger nos militants. Il va falloir trouver le moyen de leur faire de la bouffe. Il va falloir fournir aux gens qui vont nous demander des conférences, des formations et tout ça. Donc, on a travaillé ensemble, on s'est solidarisé sur des préoccupations très concrètes qui nous éloignaient de nos différents idéologiques. Mm-hmm. Puis comme ces personnes-là, ça, je vous le dis, c'est ma théorie personnelle, mais personne ne l'a contesté encore, puis je l'ai dit souvent. Renaud, ça prend un écrit, là. Ouais, ben là, je l'ai écrit, mais je peux le signer juste de mon nom. Ça va prendre un document officiel de Renaud Blais. Ah ouais, mais bon, faudrait que... Mais j'y pense, j'ai des notes de prix, mais ça pourrait être un texte qui circule indépendamment de l'université, je me suis dit, là, bon. Bon. C'est un beau projet. On a vécu un défi commun pour répondre à des nombreuses demandes, comme j'ai dit. Bon. Toute la dynamique psychosociale autour des personnes, moi, je trouve que ça a été... facilitant pour la création de l'UFP qui a suivi et de Québec solidaire aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant de... Puis, UFP, bon, pour rappeler... L'Union des forces progressistes, okay, parfait, qui merci. Était le premier parti qui a réuni les forces de gauche, on dirait les forces de gauche partisanes, là. C'était les partis politiques. Parce qu'avant d'arriver à Québec solidaire, il y a eu aussi Option citoyenne qui a été créée en parallèle de l'UFP, mais qui regroupait plus des... Bon, dans mon langage à moi, c'est des militants très aguerris, mais qui ont peu d'expérience au niveau des partis politiques. Mm-hmm. Des gens qui ont milité dans des groupes, parce que on les voit arriver à Québec solidaire. Bon, moi, je me considère comme un aguerri de la politique partisane. Ça fait 30 ans que j'en fais. Mais on a l'expérience, on sait comment ça fonctionne un parti politique, puis on connaît les dynamiques de pouvoir qui règnent là-dedans. Mais bon, Québec solidaire, c'est beaucoup moins important qu'on le voit dans les partis traditionnels, mais reste que toute la dynamique option citoyenne qui vient du milieu populaire et communautaire amène une nouvelle culture. Culture, là, qui en brassant ça aujourd'hui. Ouais, mais c'est une réussite idées. Fantastique. On n'a pas vu ça, les partis de gauche réunis au Québec dans l'histoire. Là. Il y a eu énormément de tentatives, mais rendu avec un député en chambre qui est le député le plus populaire au Québec. Bon, faut le mentionner. Oui, oui, Amir Kadir. Bon, notre meilleur. Bref. Bon, ça va me former. Ça, j'ai... Bon, OK. Un élément fondateur. Bon. C'est parfait. C'est parfait. Alors, oui, ça résume un peu, là. Ça, c'est ton bilan personnel, de ce qui s'est passé le samedi. Ouais, ouais, ouais. Puis, est-ce que... J'oserais poser cette question. Et si c'était à refaire, Renaud? Ah, la fin de semaine, ben, un, faudrait se prendre plus longtemps d'avance. Faudrait mobiliser plus de ressources. Mais, dans le fond, on a fait ce qui était possible de faire dans les circonstances. Puis, à refaire, ben, je pense que j'aimerais mieux formuler ça à dire... Il faut continuer. Alors, parce que je l'ai dit, le traité qu'on est en train de nous passer en douce, là, Canada, Union européenne, faut se mobiliser contre ça. C'est... Je donne souvent le même exemple, c'est que imaginez une petite entreprise polonaise d'une banlieue de Varsovie va pouvoir soumissionner pour le moindre contrat public de nos commissions scolaires ou de nos municipalités, puis à la limite emmener du monde de là-bas pour venir les réaliser ces contrats-là. Et qui dans le fond, ce que ça pourrait faire, c'est que les citoyens ici ou les travailleurs ici sont exclus des jobs qu'on fait ici, qu'on crée ici. Vraiment, vraiment. Absolument. Alors, ça, ce libre-échange-là, Canada-Union européenne, ça serait ça l'impact? C'est un des impacts, ça. C'est un des impacts concrets que les gens puissent... Puis, il y a un autre exemple que je donne, par exemple. Ça a été vécu, puis c'est en provenance de... ou c'est parce qu'on fait partie de l'ALENA. Rappelez-vous, le cow-boy qui était premier ministre en Terre-Neuve, là, à venir jusqu'à, quoi, un an, deux ans, lui, il avait... Après que Abitibi-Bowater a fermé son usine de siège, ou ses usines de siège, ben, monsieur, je me rappelle pas de son nom, il était premier ministre de Terre-Neuve, tout le monde peut le trouver, il a exproprié les usines d'Abitibi-Bowater, puis il a coupé leur contrat d'approvisionnement en forêt. Bon, ben lui, il s'en foutait, il n'était pas signataire de l'ALENA. Ben, Abitibi-Bowater, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés contre le gouvernement fédéral, qui, lui, a signé l'ALENA. Puis M. Harper a fait un chèque de 200 millions et quelques à Abitibi-Bowater sous prétexte que Abitibi-Bowater avait anticipé XYZ profit, puis là, il était contraint de ne pas le réaliser, son profit. Mais voyez, ça, c'est une entente de l'ALENA. Puis l'ALENA, là, ça devient vieux comme traité. Parce qu'avec le temps, non seulement les traités de libre-échange se répandent géographiquement ou étendent leur espace de juridiction, ben ils intensifient leur contenu, là. Je veux dire, c'est de pire en pire, le contenu. Quand je vous dis tantôt, l'ALENA, les provinces, nos municipalités ne sont pas parties prenantes. Mais dans le traité qui se négocie avec l'Europe, là, les provinces et les municipalités sont pognées pour en faire partie parce que ce qu'on signe en leur nom, on le fait. Autrement dit, puis bon, ce qui a facilité ça, c'est le fait que M. Charest a créé le groupe avec le Conseil de la Fédération, si je me souviens bien, qui a comme principal mandat d'atténuer les barrières commerciales entre les provinces. Oui. Mm-hmm. Ce qui fait que si on ouvre entre les provinces, ben c'est plus ouvert à la grandeur du Canada, puis c'est ça qui fait que les provinces deviennent partie prenante au traité de libre-échange. Alors, un autre dossier à suivre, ça va être une autre belle chronique. Il n'a pas manqué, il n'a pas perdu de vue, puis il faut demander à Pierre-Marc Johnson de nous en donner des comptes rendus, parce qu'il faut se rendre compte que c'est Canada qui négocie. Mais Pierre-Marc Johnson, il est sur l'équipe représentant le Québec à l'intérieur de l'équipe canadienne. C'est un peu comme notre poste à l'UNESCO, ça. Tout à fait. Alors, oui, à suivre. Puis, est-ce qu'il y aurait des... En quelques mots, est-ce qu'il y aurait des suites cette fin de semaine? Ben là, on va décanter ça. Comme là, je vous ai fait un bilan consensuel à peu près des gens. Après ça, je vous ai fait mon propre bilan. Mais là, on va devoir mettre ça en commun pour, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans... au niveau de la fin de semaine dernière, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir. Puis c'est sûr qu'on va continuer à inviter notre cher co-président d'Alliance Québec, M. Vaillancourt, qui est la personne qui fait les présentations les plus pertinentes sur le traité de libre-échange dont je viens de parler, qui va beaucoup plus loin que ce que je peux faire en deux minutes comme ça. Puis on va sûrement le réinviter, d'autres comme lui, il y a des... Mais bon, c'est à suivre avec une émission Le Grain de Sable, c'est KRL. Vous êtes sûr d'être tenu au courant de ce qui se brasse en ville dans ces questions-là. Excellent. Alors c'est les mots de la fin, Renaud. Merci beaucoup. Oui. OK, donc merci, c'est bonne moi qui te remercie, fin de Renaud. Tout le monde. Alors merci beaucoup pour ce témoignage encore une fois et ces chroniques toujours plus colorées et animées. Comme d'habitude, alors c'est déjà tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Alors je tiens également à remercier Cédric Leterme à la mise en onde et également nous avons eu Jeanne Gutiérrez aussi à la mise en onde. Alors j'ai eu deux metteurs en onde ce soir. Alors un immense merci aussi à nos chroniqueurs Nicole Moreau et Renaud Blais pour leurs interventions toujours aussi pertinentes et merci à vous, chers auditeurs, d'être là. Alors à tous les vendredis soirs. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via CKRL et aussi sur le site d'Attaque Québec. Alors, vous trouverez plein d'informations sur ce merveilleux site. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire l'émission, donc, comme le nom le dit, legraindesable@hotmail.com. Alors, quant à nous, je vous dis à vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. D'ici là, restez bien branchés sur ce qui se vit ici à travers le monde et aussi... continuez de cultiver, dans le fond, cultiver votre solidarité. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et fin de semaine. C'était Valérie Blouin au microphone. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi avec 100% Dynamite, tout de suite après ces quelques publicités. Seul, je recevrai des étrangers.